إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication de Umdatul Ahkam, et on est aujourd'hui arrivé au hadith numéro 42 dans Umdatul Ahkam. Donc Umdatul Ahkam, qui est un livre de hadith sur les règles du fiqh, sur les ahkam, et c'est un livre écrit par Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah, et avec le charh de Sheikh Abdullah Al-Bassam Rahimahullah. Donc on commence Inch'Allah. On est arrivé donc, comme je disais au cours 20, hadith 42. Il reste deux hadiths pour terminer le chapitre de At-Tahara. Donc le cours d'aujourd'hui ne va pas être long. C'est juste pour terminer ces deux hadiths. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que Inch'Allah, après qu'on ait terminé ce chapitre aujourd'hui, on va faire les cours suivants sur le jeûne. On va faire les cours suivants sur le jeûne, parce qu'on commence le mois du Ramadan, donc c'est bien de pouvoir se préparer à cette adoration-là qui commence, Inch'Allah. Donc c'est juste pour connaître les règles les plus importantes du Ramadan. Et même si, bon, on les connaît, les règles du Ramadan, mais c'est juste pour parfois se rafraîchir la mémoire, parce que parfois on oublie, quand ça fait une année qu'on n'a pas fait le Ramadan, donc parfois on oublie certaines règles. Donc Inch'Allah, on va étudier ça encore une fois ensemble. Donc on commence tout de suite avec la lecture du hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha. Donc dans le kitab, le Bab al-Hayd qu'on a lu, on est dans le chapitre de la menstruation ou des menstruations. Et jusqu'à date, on voit que tous les hadiths qui ont été rapportés dans ce chapitre sont rapportés selon Aïcha radiallahu anha. Le premier hadith était rapporté selon Aïcha, le deuxième aussi, également le troisième, et le quatrième et le cinquième. Ou bien le quatrième, bon, c'est rapporté selon Mu'adha, le dernier, selon Mu'adha, mais qui pose la question à Aïcha, radiallahu anha. Donc ça montre la science de Aïcha radiallahu anha et comment c'était une grande savante dans l'islam parmi les savants des Sahaba. Elle faisait partie des savants de l'islam parmi les Sahaba. Et c'est quelqu'un vers qui les gens revenaient pour comprendre leur religion. Hein, pour comprendre leur religion. Et donc c'était une faqiha, une alima, une savante, une personne de science. Radiallahu anha. Donc dans le hadith qu'on lit maintenant, rapporté selon Aïcha, an Aïcha radiallahu anha, qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن يعني أخرجه البخاري ومسلم. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est-à-dire que Aïcha رضي الله عنها elle rapporte selon البخاري ومسلم que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il s'appuyait ou il s'accotait sur les cuisses de Aïcha radiallahu anha, ou bien il posait sa tête sur Aïcha radiallahu anha alors qu'elle avait ses menstruations. Elle était dans une période de règles, et il récitait le Coran dans cette position-là. Donc, parmi les termes qui sont mentionnés dans le hadith, le cheikh il explique le terme yattaki'u fi hijri. Yattaki'u mahmouzun wa yajouzu fath, yajouzu al-fath wal-kasr fi l-ha fi min hijri wa huma lughatan. Donc il explique Yattaki'u, il dit que pour Al-Hijr c'est permis de dire Fi Hajri et c'est permis de dire Fi Hijri. C'est deux façons de le prononcer en arabe qui sont correctes. والمعنى الإجمالي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر ولم ينجس بالحيض. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'accotait ou il s'allongeait sur les cuisses de Aïcha radiallahu anha alors qu'elle était en période de menstruation, comme si na'am. Et il faisait ça souvent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'allongeait sur elle, ou il appuyait sa tête sur ses cuisses ou sur sa poitrine, et il récitait le Coran alors qu'elle était dans sa période de menstruation. Et donc ça, le cheikh il dit que ça c'est une preuve que le corps de la femme qui a ses menstruations, il est pur. Le corps de la femme, lorsqu'elle est dans sa période de menstruation, il reste toujours pur. Et le fait qu'elle ait ses menstruations ne rend pas son corps impur. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, ils peuvent penser que la femme, du moins qu'elle a ses règles, devient impure. Hein, et ça, c'est la croyance chez les juifs. Tandis que dans l'islam, non, c'est pas le cas. Et dans un autre hadith, on l'a déjà lu, déjà dans les hadiths précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'min la yanjus. Al-mu'min la yanjus. C'est-à-dire que le croyant, il n'est jamais impur, même si il est en état d'impureté. Hein? Il était en état d'impureté, mais il, lui-même, c'est-à-dire son corps, sa chair, il n'est pas impur elle-même. Et même les ulama ils ont mentionné à ce sujet-là beaucoup de choses. En tout cas, donc peut-être une autre fois, inshallah, on rentrera dans plus de détails. Cheikh il dit wa mimma yu'khadhu min al-hadith awwalan jawaz qira'ati al-Qur'an fi hijr al-ha'id li'annaha tahiratul badan wa thiyab. وثانيا تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض قاله ابن دقيق العيد. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, la permission de réciter le Coran en étant sur les jambes ou les cuisses de la femme qui a ses règles, de notre épouse si elle a ses règles par exemple, si elle est assise ou quelque chose comme ça, nous on pose notre tête sur elle, sur ses cuisses ou bien sur elle, donc ça on peut réciter le Coran, il n'y a pas de problème, elle n'est pas impure. Parce que ses vêtements et son corps est pur. Deuxièmement, l'interdiction de réciter le Coran, il dit tahrim qira'at al-Quran 'ala al-ha'id, akhzan min tawahhumi imtina'i qira'at al-qira'ati fi hijr al-ha'id. Donc certains pourraient penser que c'est interdit de réciter le Coran. Mais c'est pas le cas. Et aussi, certaines personnes pensent que la femme qui a ses règles n'a pas le droit de réciter le Coran. Et ça, c'est incorrect aussi. Parce que la femme qui a ses règles, elle a le droit de réciter le Coran. Et elle a le droit aussi de lire le Coran. Non, elle peut lire le Coran et elle peut réciter le Coran aussi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de toucher au mushaf. Elle n'a pas le droit de toucher au mushaf, elle n'a pas le droit de prier. Mais elle a le droit de faire des doigts, elle a le droit de faire des invocations, elle a le droit de réciter le Coran de sa mémoire, elle a le droit de réciter le Coran en le lisant sans le toucher. Ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est-à-dire que le Coran peut être là, et elle le lit sans y toucher. Naam. Soit que elle demande à quelqu'un de tourner les pages pour elle ou quelque chose comme ça, mais elle-même elle peut pas y toucher. Naam. Exact. Mais elle peut le lire, ça il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là et il y a beaucoup d'explications détaillées qui ont été données à ce sujet. Certains ulama ont interdit à la femme de faire ça et ils se sont basés sur l'analogie entre la femme qui est junub ou l'homme qui est junub et la femme qui a ses règles. Et les ulama ont répondu à cette analogie-là en disant qu'il y a une grande différence entre l'état de menstruation de la femme et le fait d'être junub. Puisque la personne, quand elle est junub, elle peut se purifier n'importe quand et être pure. Tandis que la femme qui a ses règles, c'est pas le cas. Et c'est pas elle qui. C'est pas quelque chose de volontaire, Puis c'est pas quelque chose qu'elle peut choisir elle-même d'enlever quand elle veut. Donc il y a une différence entre son état et l'état de la personne qui est junub. Donc il y a beaucoup de détails qui ont été mentionnés à ce sujet-là dans les paroles de Cheikh Al-Albani. Il clarifie très bien cette question-là avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et il explique aussi la signification du verset « La yamassuhu illa al-mutahharun » parce qu'il y en a qui disent, il y a le verset dans le Coran qui dit « Nul ne le touche excepté ceux qui ont été purifiés » et ce verset-là, il parle en réalité des anges et il parle de « Al-Lawh al-Mahfouz » des tables préservées et non pas du Coran. Non. En ce qui concerne le Coran, c'est sûr que il faut être en état de pureté pour y toucher, mais la lecture et la récitation pour la femme qui a ses règles, ça c'est permis. Non. Allahu ta'ala a'lam. Et non, donc c'est ça. Est-ce qu'elle peut réciter le Coran quand elle est assise? Oui, tu peux être assis avec elle puis lui réciter le Coran, comme c'est mentionné dans ce verset, dans ce hadith. Ou bien sinon, tu peux, elle-même, elle peut réciter le Coran de sa mémoire ou, comme on a dit, le lire mais sans y toucher. Elle peut aussi l'écouter sans problème, en écoutant les audios du Coran, de récitation et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Le hadith suivant, c'est un hadith très intéressant aussi, très bénéfique. C'est le hadith qui est rapporté selon Mu'aza. قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبني ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, comme la plupart des hadiths de ce livre. Et c'est le hadith qui est apporté par Mu'adha. Elle dit, j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha, je lui ai dit, pourquoi la femme, quand elle a ses règles, elle doit refaire les jours de jeûne qu'elle a manqués, mais elle ne doit pas refaire la salat qu'elle a manqué pendant ses jours de menstruation. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a été étonnée d'entendre cette question. Elle lui a dit, est-ce que tu es une haruriya? Tout de suite, elle lui a demandé, est-ce que tu es une haruriya? Haruriya, c'est ceux qui suivent les khawarij. Al-Harura, parce que les Khawarij, à l'époque d'Ali, radiallahu anhu, s'étaient réunis à un endroit qui s'appelle Harura. Et donc, ceux qui sont réunis à cet endroit-là, pour combattre les Sahaba, on les a appelés Al-Haruriya, à cause de ça. Et donc, Aïcha, radiallahu anha, lui a demandé tout de suite, est-ce que tu es une Haruriya? Parce que c'est les Haruriyas, c'est les Khawarij qui ordonnent à la femme de reprendre les jours de jeûne qu'elle a manqué pendant ses règles et de reprendre aussi les jours de la salat, les jours qu'elle a manqué de salat, les salat qu'elles ont manqué durant leurs règles. Donc il lui demande, est-ce que tu es une Haruriya? Est-ce que tu es une Kharijiya? Est-ce que tu es une Takfiriya? Et elle répond, elle dit non, je suis pas une Haruriya, mais je demande pour savoir. Et Aïcha radiallahu anha lui répond maintenant. Elle lui dit, lorsque, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait nos règles et on était ordonné de reprendre les jours de jeûne, mais on n'était pas ordonné de reprendre la salat. Donc les prières manquées, on ne les refaisait pas, mais le jeûne manqué, on les refaisait. Donc le cheikh il explique les termes du hadith qui sont plus compliqués ou moins connus. Et il dit donc gharib al hadith haruriyatun anti nisbatun ila baldatin qurb al kufa ismuha harura kharajat minha awwal firqatin min al khawarij ala ali ibn abi talib فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. Donc le cheikh il explique que haruriya c'est par, comme je disais tout à l'heure, du fait que c'est l'attribution par rapport à un endroit qu'on appelait Harura qui est proche de la ville de Koufa en Irak. C'est de là que est sortie la première des sectes des khawarij contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et donc à partir de ce moment là on a connu les Khawarij par ce nom Al-Haruriya. Ensuite le Cheikh il explique, il dit al-ma'na al-ijmali sa'alat Mu'adha عائشة سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام. Donc le cheikh il dit que Mu'adha elle demande à Aisha radiallahu anha la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la femme qui a ses règles doit reprendre les jours qu'elle a manqués durant ses règles de son jeûne, elle doit les reprendre quand elle a mangé durant ces jours-là, mais elle ne doit pas reprendre les prières qu'elle a manquées pendant la période de menstruation. Alors que les deux adorations en question sont obligatoires. Et même que la salat est plus importante même que le jeûne. Alors comment ça se fait ? وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج. Et il dit que le fait que on ne fasse pas de distinction entre les deux adorations en question dans le fait de les rattraper ou de les refaire par la suite, ça c'était la voie des Khawarij, et leur voie est basée sur la dureté et la gêne et la difficulté dans la religion. Ils veulent rendre tout difficile et compliqué, et donc ils prennent la religion de la façon la plus dure. Et donc quand elle a entendu cette question, Aisha radiallahu anha, tout de suite elle a posé la question: est-ce que tu es une haruriya? فقالت لها عائشة منكرة عليها أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون؟ فقالت لست حرورية ولكني أسأل سؤال متعلم ومسترشد. فقالت عائشة كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ولو كان القضاء واجبا لأمرنا به ولم يسكت عنه فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. نعم. Donc Aïcha radiallahu anha, elle lui répond pour critiquer sa question, pour critiquer ce genre de position. Est-ce que tu es une haruriya? Dans le sens, est-ce que tu crois en la même chose que? Est-ce que tu as la même croyance que? Et est-ce que tu es dans l'extrémisme et dans la dureté comme ils le sont? Et elle répond en disant non, je ne suis pas une haruriya. Mais je pose cette question dans le but d'apprendre et de connaître. Parfois, on a des gens qui posent des questions. Ils posent des questions comme... tu sais que c'est des questions qui sont spécifiques à des positions de certains groupes ou de certaines sectes. Et tu les reconnais par certaines questions qu'ils posent. Et ils ne posent pas des questions pour apprendre. Ils posent des questions pour essayer de te bloquer ou de te piéger, ou de te mettre dans une situation embarrassante dans laquelle tu vas pas pouvoir répondre, en te posant des questions dans lesquelles il y a des shubuhat ou des ambiguïtés. Et ça, c'est la tendance souvent des gens de bid'ah, et en particulier celle des khawarij. Il pose des questions sur le takfir ou sur la aqidah, sur les questions qui ont rapport avec nawaqid de l'islam, le takfir, ou des questions comme ça sur surtout la question qu'il ramène souvent à notre époque, les khawarij de notre époque, la question de al-udru bil jahl, c'est-à-dire les haddadiyya à notre époque, on entend souvent ça de leur part, la question de al-udru bil jahl, est-ce que la personne qui commet du shirk ou du kufr et qui est ignorante, et qui n'a pas de moyens d'apprendre, de connaître ces éléments-là, est-ce qu'on va dire à son sujet qu'il est directement mécréant et mouchrik associateur, ou bien que on va vérifier avant, ou on va voir et on va établir la preuve avant de pouvoir décréter ou dire que la personne elle est dans le shirk, ou elle est mécréante, ou elle est kafira ou mouchrika, des choses comme ça. Donc il ramène ce genre de question pour créer des ambiguïtés, des doutes dans l'esprit des gens. Et il y a l'exemple de cette question qui a été posée à Aïcha radiallahu anha, ça faisait partie de ce genre de questions-là. Et donc si quelqu'un par exemple pose ce genre de question et qu'on lui dit est-ce que tu es un khariji ou est-ce que tu es un haddadi, est-ce que tu es un takfiri, il n'y a pas de blâme de lui demander ça, parce que c'est pour la clarification en fait. C'est pour la clarification et pour que les choses soient claires. Parce que si c'est ça, si tu es une harouriya, une takfiriya, une kharijiya, ou que ce soit un homme ou une femme, on ne va pas perdre notre temps à jouer avec ces gens-là qui veulent jeter des shubuhat. On va clarifier la vérité, puis ça s'arrête là. Et donc, Aïcha radiallahu anha, comment elle a répondu? Elle n'est pas rentrée dans des explications très compliquées pour lui expliquer pourquoi on refait les jours de jeûne qu'on a manqué si on a les règles, mais on refait pas les jours les salats qu'on a manqué dans les jours de menstruation. Pourquoi? Elle n'est pas rentrée dans des explications très approfondies et détaillées pour faire la distinction entre la salat et le jeûne et pour expliquer tous les détails. Non, elle a seulement expliqué qu'est-ce qui était fait par les femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça suffisait comme preuve et comme clarification pour répondre à cette question-là. Donc elle a dit que lorsque nous étions dans notre période de menstruation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous avions nos règles, eh bien on délaissait le jeûne et la salat à ce moment-là. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de reprendre le jeûne et il ne nous ordonnait pas de reprendre la salat. Mais si de reprendre la salat aurait été obligatoire, il nous l'aurait ordonné de le faire et il ne se serait pas tu. C'est-à-dire, il n'aurait pas gardé le silence à ce sujet. Il l'aurait expliqué, mais il ne l'a pas obligé. Il ne l'a pas ordonné. Et donc, ça, c'est la preuve que ce n'est pas obligatoire pour la femme de reprendre les jours de salat qu'elle a manqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Le cheikh, il cite cinq points. Et on pourra en rajouter peut-être quelques-uns. Le premier point, أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا. Le cheikh il dit que la femme qui a ses règles, elle doit reprendre les jours de jeûne, mais elle ne doit pas reprendre la salat. Parce que, le cheikh il dit, parce que la salat, elle se répète plusieurs fois par jour, cinq fois dans la journée. Et c'est donc une adoration qui est perpétuelle. elle se répète perpétuellement et continuellement sans qu'il y ait d'arrêt ou de pause. Tandis que yani, le jeûne, ce n'est pas le cas. Le ramadan, c'est une fois par année. Hein? Et le fait qu'on si on demandait à la femme de reprendre et de refaire toutes les prières qu'elle manque pendant sa période de menstruation, ou pendant les lochis par exemple, après avoir accouché, si elle cesse de faire la salat pendant 40 jours, donc si on lui demandait de reprendre toutes ces prières-là après les avoir manquées, eh bien ce serait lourd, ce serait très difficile. Hein? Yani, subhanallah, 40 jours fois 5, ça fait quand même un grand nombre de prières à reprendre. Hein? Pour la femme qui a ses lochis et pour la femme qui a ses règles également. Donc, donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et par sa sagesse, il n'a pas ordonné à la femme de reprendre les salawats, mais il a ordonné de reprendre les jours de jeûne. Le deuxième point, an-taqrir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ala shay'in yu'ad min as-sunnah. Naam, ça c'est un point aussi qui est important, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et approuvé de quelque chose qui se produit dans sa umma et qui n'en dit rien ou qui ne fait pas de commentaires sur ça, donc ça veut dire que cette chose-là fait partie de la sunna. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné aux femmes de reprendre les jours de jeûne, les jours de salat, pardon, et bien ça c'est même le fait qu'il n'a pas ordonné de le faire, ça veut dire que ça fait partie de la sunna de ne pas les refaire. Hein? Et le point numéro 3, al-inkaru ala kull man sa'ala su'ala ta'annut wa mujadala. C'est-à-dire que il est légiféré dans l'islam de condamner toute personne qui pose une question et dans laquelle dans cette question-là il y a un genre de on est comme si on ressent que la personne qui pose cette question ou qui pose la question, elle veut débattre ou elle veut s'obstiner, elle veut disputer, hein, argumenter des points dans le but d'établir un égarement ou une passion ou une shubha. Donc si tu sens que quelqu'un, hein, si quelqu'un, on sent que quelqu'un il pose des questions dans le but de créer des shubuhat, dans le but d'établir le faux et d'essayer de mélanger les gens dans qu'est-ce qu'ils savent de la religion qui est claire, ou de les confondre dans qu'est-ce qui fait partie de la sunna, et d'établir une bid'a ou d'éloigner les gens de la sunna, alors il est nécessaire de condamner cette question-là. Donc, il y en a des fois des gens, c'est ça, ils veulent uniquement poser des questions pour faire des shubuhat, pas pour apprendre. Et ça, tu le sais tout de suite, tu le sens tout de suite dans la façon que la personne pose la question. Hein, parce que la personne qui veut apprendre, elle pose sa question, yani, avec un certain respect. Et yani, tu vois que le sujet aussi de sa question, c'est un sujet qui a rapport à quelque chose de bénéfique et d'utile et de pratique dans la religion de la personne. Ce n'est pas des questions abstraite, théorique et hypothétique, comme si c'est des choses qui risquent peut-être jamais de se produire, yani, ou peut-être qui va se produire une fois sur mille, et la personne elle vient, elle pose cette question. Qu'est-ce qui arrive si telle ou telle ou telle chose se produit? Hein? Ça risque de jamais se produire cette chose, donc pourquoi tu poses cette question-là? Et souvent parmi les salafs, quand quelqu'un venait leur poser une question, il disait, comme l'imam Malik et d'autres, il disait, la chose dont tu me demandes la question aujourd'hui, est-ce que cette chose-là s'est déjà produite, oui ou non? Et s'il disait non, Il disait, dans ce cas-là, reviens me voir lorsqu'elle se sera produite. Et après, tu me poseras la question. Pour le moment, elle ne s'est pas produite, alors ne la pose pas cette question. Hein? Parce que ça ne sert à rien. Et mais nous, on est devenus des professionnels comme ça, des fois, d'imaginer des situations qui n'existent pas et de poser des questions sur des sujets qui ne sont même pas là. Et parfois, des fois, on pose des questions sur des choses qui sont... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Des fois, on se met dans des situations tellement absurdes et graves. Puis après, on pose des questions. Moi, des fois, ça me choque aussi quand on pose des questions à des ulama sur des choses qui se produisent dans les pays de Kufr. Mais des choses vraiment insolites. Hein, des choses insolites. Subhanallah, probablement que ces choses-là, tu ne peux pas les entendre. En général, tu ne vas pas voir ces choses-là qui se produisent dans un pays musulman à la base. C'est impossible, ou presque impossible. Mais dans les pays de Kufr, on ne s'étonne plus de rien. Exactement. Donc le mal est devenu bien. Donc tu vas aller poser des questions comme ça à des ulama. Déjà, les ulama, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir concevoir même que ces choses-là sont possibles. Hein? Donc tu vas les choquer même. Naam, Allah al-musta'an. Des fois, il y a un manque de respect dans la façon de poser les questions et dans les sujets aussi. Des fois, de rentrer trop dans les détails, puis de trop... Il y a des gens, parfois, ils posent des questions tellement détaillées. Et des fois, on dirait que c'est... La question, elle a peut-être trois pages de longueur. Hein? Juste pour la lire, ça prend presque une dizaine de minutes. Et c'est très très compliqué, donc ça c'est pas ça la façon dont on pose les questions. Il faut rester à limiter la question à qu'est-ce qui est important. Mais bon, pour dire aussi en même temps, pas ramener des shubuhat et pas essayer de poser des questions pour montrer. Faire des comme pour essayer de montrer son intelligence, montrer qu'on est plus on comprend plus que le cheikh, on connaît plus que le cheikh. Il y en a qui veulent poser des questions uniquement pour embarrasser le cheikh. Non, pour compétitionner avec le cheikh ou bien pour jeter des choubouhat au cheikh pour voir que le cheikh il va pas être capable de lui répondre ou des choses de ce genre. Ça c'est grave, ça c'est quelque chose qui est interdit. Et donc quand Aïcha radiallahu anha, elle a senti cette question là, elle a vu que c'était pas une question normale, elle a tout de suite, elle lui a répondu d'une manière pour lui faire sentir que sa question elle dépasse la limite. Hein? Parce que tu poses la question pour tu veux quoi, est-ce que tu es sur la voie des Khawarij? Hein? Tout de suite. Aujourd'hui, quand quelqu'un, un takfiri ou un djihad, il te pose des questions comme ça, avec des choubouhats dedans, il y en a plein comme ça, des fois sur Twitter, sur Facebook ou ailleurs, sur Internet, il t'envoie des questions comme ça. Tu sens que dans la question même, il y a une attaque. Tu vois même directement dans la question, il y a une attaque, il y a une insulte, ou bien même la personne essaie clairement d'essayer de te montrer ou de te dire il y a une contradiction quelque part. Hein? La contradiction, elle est dans sa tête à elle, parce que la personne ne comprend pas la réalité de la sunna. Mais parce qu'étant donné qu'elle est dans la bid'a, elle pense qu'il y a une contradiction dans ce que les ulama de Ahl Sunna disent par rapport à certains sujets. Donc, ils essaient de poser des questions pour... Hein? Essayer en croyant qu'ils sont en train de te mettre dans l'embarras. Et des fois, on leur répond pas, justement, on les ignore, justement, pour pas leur donner d'importance à ces gens-là. Pour pas rentrer dans leur jeu, de vouloir rentrer dans des débats et des discussions inutiles, qui ne ramènent rien. Et s'ils étaient vraiment sincères, et s'ils voulaient vraiment savoir la réponse à ces questions-là, des fois c'est des questions, comment on dit, des questions rhétoriques, hein. La personne elle sait déjà la réponse à sa question. Elle pose la question juste parce qu'elle veut te mettre dans l'embarras. Hein? Elle connaît sa réponse déjà. Mais elle veut savoir toi qu'est-ce que tu veux dire pour essayer de faire la fitna. Hein? Donc, donc le cheikh il dit, on a le droit de répondre d'une manière dure à ces personnes-là, puis de faire un inkar, de condamner ce genre de personnes, hein, et ce genre de questions. Cette façon de vouloir disputer et d'argumenter dans la façon de poser les questions de cette façon. Le point numéro 3, تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. Le point numéro 4, Cheikh il dit d'expliquer la science à celui qui vient questionner et poser des questions dans le but d'apprendre et dans le but d'être bien orienté. Donc si quelqu'un vient et pose une question propre, claire, et il veut vraiment apprendre, il veut comprendre, tu lui expliques, tu lui clarifies la science. Hein, ça c'est correct. Et tu sens la personne qui veut apprendre et la personne qui veut juste faire des choubouhats. Hein, la personne qui pose des questions sur des sujets qui ne le concernent même pas, déjà à la base. Hein, tu lui dis, mais pourquoi tu poses ces questions-là? Pourquoi tu demandes des questions à propos de ces choses-là? Ce sujet-là, hein, c'est comme certains des professeurs, ils disaient, quand on était à l'université de Médine, ils disaient, « Jahluka bihaza la yadurruk. » Le fait que tu ignores cette chose-là, ça te cause aucun tort de l'ignorer. Tu n'as pas besoin de savoir ça même. Hein? Si tu le sais, ça ne va rien rajouter de plus à ta connaissance et à ta compréhension. Et si tu l'ignores, ça ne va rien t'enlever. Donc pourquoi tu te casses la tête à chercher ce genre de sujet, hein, ou ce genre de question? Subhanallah. Donc concentre-toi sur qu'est-ce qui est le plus important pour commencer, le plus fondamental. Pose les questions sur des choses de base, sur des choses qui ont rapport avec ta pratique de la religion de tous les jours, sur les choses qui vont faire en sorte que tu vas connaître Allah, connaître sa religion, connaître son messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam, des choses qui vont t'aider au jour de la résurrection, des choses qui vont te sauver, des choses qui vont t'aider dans ton adoration de tous les jours. Ça, c'est des choses bénéfiques, des choses sur lesquelles tu dois poser des questions. Mais des questions sur des choses loin. Subhanallah. Tu poses ces questions-là, alors que si je te posais les questions les plus simples de l'islam, tu ne pourrais même pas y répondre. Hein? Je te dis par exemple, de m'expliquer les catégories du tawhid, tu ne les connais pas. Les conditions de la ilaha illallah, tu ne les connais pas. Nawaqid de l'islam, les choses qui annulent ton islam, tu ne les connais pas. Les conditions de la salat, les mustahabbat, les wajibat de la salat, tu ne les connais pas. Toutes ces choses-là qui sont importantes, les conditions, les règles, les principes de la salat, de la tahara, toutes ces choses-là, tu ne les connais pas. Donc, commence par des choses plus importantes, des choses plus bénéfiques, et ainsi de suite, tu avances dans la science. Hein? À moins qu'il y ait quelque chose vraiment qui te cause du mal ou que tu as du mal à comprendre, là tu dois poser des questions sur des choses un petit peu plus spécifiques, plus détaillées. C'est correct, mais encore là, des fois, pour quelle raison certaines personnes posent des questions sur ces sujets-là, c'est parce qu'ils sont allés chercher dans les endroits où il y a des choubouhats et ils sont allés lire qu'est-ce qu'ils ne devaient pas lire. Ils sont allés voir qu'est-ce qu'ils ne devaient pas voir, et ça a causé des doutes ou des questionnements dans leur esprit, et là après ils sont confus, ils sont mélangés, ils ne savent plus quoi faire, alors là ils commencent à poser des questions. Et toutes sortes de questions bizarres, et tu te dis, mais pourquoi vous posez des questions comme ça? Parce que vous êtes allé sur les sites des takfiriens, vous êtes allé sur les sites des khawarij, vous êtes allé sur les sites des soufiyas, vous êtes allé sur les sites des Ahbash, sur les sites de X ou de Y, je ne sais pas quoi, toutes sortes de personnes bizarres. Puis après, vous êtes mélangés. Vous avez des doutes, vous avez des ambiguïtés. Il y a un cheikh qui disait une fois, il dit, les gens sont devenus des éponges à choubouhat. sont devenus des éponges à choubouhat. Il dit 80% des questions des gens aujourd'hui, c'est sur des choubouhat. C'est pas des questions de ilm, de la science, yani. Hein? Subhanallah. Donc, c'est ça le problème. Après, le cheikh, il dit comme le point numéro 5, كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة وهي إن المشقة تجلب التيسير. Donc le cheikh il dit, le fait que la femme qui a ses règles, elle ne doit pas refaire la salat qu'elle a manqué durant ses règles, parce que ça serait trop lourd ou trop difficile de les reprendre. Et ça, il dit ça, ça fait partie même des preuves qui confirment la grande règle générale de la sharia qui dit « Inna al-mashaqqa tujlibu taysir » c'est-à-dire la difficulté, elle ramène la facilité. Hein? Donc quand quelque chose devient trop lourd, trop difficile, eh bien ça implique qu'il doit y avoir facilité. On doit faciliter la chose. Et ça fait partie des principes de la charia. Une des grandes règles, parmi les règles de la charia. Il y en a cinq, hein, les cinq grandes règles de la charia. Et ça, c'en est une d'entre elles. Donc ça, c'est parmi les points que le cheikh il a mentionné. Certains ulama, ils ont mentionné aussi d'autres points à ce sujet-là. C'est le fait qu'on peut parler aux musulmans du commun des questions qui ont rapport avec les sectes et les firaqs et les questions de manhaj et les mises en garde contre les groupes et contre les sectes. La preuve, c'est que Aïcha radiallahu anha, elle mentionne à cette femme qui vient lui poser la question, Mu'adha, en lui disant, est-ce que tu es une haruriya? Ça prouve que cette femme, elle sait ce qu'est la secte des Haruriyya, la secte des Khawarij. Hein? Donc ça prouve que Aïcha radiallahu anha, elle n'a aucun problème de lui demander au sujet de cette secte, et que cette femme, elle lui répond en disant, non, je ne suis pas une Haruriyya. La preuve qu'elle connaît cette secte elle aussi, et elle sait quelles sont leurs croyances, et quelles sont leurs déviations, quelles sont leurs contradiction avec la sunna, et qu'il n'y a pas de mal de mettre les musulmans du commun en garde contre les groupes et contre les sectes d'égarement qui ont dévié de l'islam, et de leur expliquer qu'est-ce que signifie le manhaj des salafs et ceux qui opposent cette méthodologie et ce manhaj. Donc ça fait partie des éléments aussi. Et il y a beaucoup d'autres points aussi que certains d'entre les ulama ont mentionné par rapport à ce hadith-là. Il y a beaucoup de fawa'id, beaucoup de points bénéfiques à en tirer, mais ça c'est juste certains d'entre les plus importants. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et on a donc complété en ayant terminé ce hadith-là. On a complété le chapitre de la purification, et en principe on était supposé de commencer Kitab al-Salat, mais étant donné que on commence le jeûne de Ramadan bientôt, donc j'ai pensé qu'il serait plus profitable et plus bénéfique qu'on continue avec le chapitre sur le jeûne pour se rappeler des règles du jeûne et pour en même temps se préparer à ce mois qui approche et qui un mois de bénédiction et de miséricorde. Donc on va continuer demain avec Kitab al-Siyam, puis une fois qu'on a terminé Kitab al-Siyam, on reviendra à Kitab al-Salat, Inch'Allah, le chapitre sur la prière par la suite. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.